Salut à tous, appelez-moi Chevy, c'est moi la petite voix que vous allez entendre souvent sur cette chaîne. Bienvenue dans ce podcast sur le tabou, c'est-à-dire tout sujet qui met mal à l'aise et qui pourrait potentiellement devenir tabou pour l'une ou l'autre d'entre nous. Ok. Nous sommes d'accord que définir un tabou relève de la subjectivité. Alors restons simples, abordons les sujets difficiles en fonction de nos intérêts. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des idées tabous et ou sujets difficiles à aborder en société. Je serai ravie d'en être intriguée et peut-être d'en explorer un recoin de la réalité à travers un autre podcast. Aujourd'hui, nous abordons le sujet des relations multiples, alias polyamour. Un sujet connu par tout le monde, mais le connaissez-vous réellement ? Ici, j'apporte pas la connaissance un peu académique qu'on trouve souvent dans les podcasts ou dans les enregistrements, mais bien un bout d'une réalité populaire, c'est-à-dire l'expérience d'une personne. Pour les initier au sujet du polyamour aujourd'hui, vous écouterez que les mots techniques reliés au champ lexical du polyamour ont été écartés. Cet épisode fait donc place à l'expérience d'un bout de réalité, n'en déplaise aux intellectuels perchés. Ce podcast est fait en partenariat avec Nora Tung, ma graphiste et future tatoueuse préférée, dont vous trouverez le lien vers son travail dans la description. Ce podcast est expérimental et sera changé, modifié, complètement transformé tout au long de la chaîne. Bien le plaisir à vous de découvrir toutes ces variations et ces expérimentations sonores. Bonjour, bienvenue dans le podcast Bou Tabou. Ça, je vais peut-être le retravailler plus tard. On est le 7 janvier, il est 15h et j'interviewe Fanny. Fanny qui est dans la vingtaine et qui va nous parler des relations un peu plus alternatives, celles qui provoquent certaines appréhensions en général. Bah vas-y. Ok, donc je m'appelle Fanny, j'ai 25 ans, je viens de Savoie, un département en France. Pour l'instant du coup j'habite en Belgique parce que j'ai trouvé du travail ici dans le milieu agricole. Et là aujourd'hui je suis avec toi chez Vic Plus pour parler des relations non traditionnelles. Peut-être pour faire un mini mise en contexte, là je suis en relation avec un homme mais ça fait 2 ans qu'on est en relation, on va dire exclusive, plutôt très classique. Mais de mes 18 ans à 23 ans, j'ai été dans une des relations que j'appelais ouvertes, mais qu'on aurait pu aussi dire polyamoureuses. Voilà, et du coup j'ai vécu les deux côtés. Et c'est pas si simple de parler non, toute seule. Non, c'est vrai. Comment j'en suis arrivée là? Ouais, genre par exemple, moi, je n'envisage pas d'avoir une relation normale, genre traditionnelle, exclusive, parce que à force d'entendre des amis parler de leurs problèmes de couple, j'ai commencé à force repérer qu'il y a des choses que tu peux pas éviter et que ça devient ridicule en fait de vouloir de se sentir trahi pour des choses qui se répètent, que tu sais que ça va se passer. Tu sais tellement que ça va se passer que t'en as peur avant et tu deviens peut-être parfois psychopathe dans ta tête parce que oh, il va me tromper ou il a parlé à une fille, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi les gens... Ça c'est toi, ça c'est ça qui t'a... C'est la première pensée qui est venue, après ça s'est étoffé. Okay. Oui. Moi, en y réfléchissant, j'ai je pense surtout 2 points qui ont fait que j'ai commencé... Au final, que ma première relation amoureuse était directement une relation un peu dite ouverte, ou en tout cas, on se disait libre. C'est le plus gros point, je pense, que c'est le fait de voir ma mère, qui est dans une relation tout à fait classique, qui a eu 3 enfants. J'ai grandi dans un foyer hyper chaleureux. Enfin, voilà, j'ai vraiment une super enfance. Mais à l'âge de la quarantaine, mes parents ont commencé... Enfin, mon père s'est pris de passion pour la montagne, a du coup commencé à sortir tous les week-ends. Ma mère, elle, n'a jamais eu de passion. D'ailleurs, elle a plusieurs fois sorti des phrases qui me sont restées assez ancrées, du genre « Je... Toute seule, je n'existe pas » ou « Ma vie, c'est vous ». Donc, des phrases assez fortes, et je la voyais assez impactée. Enfin, je voyais de haut de mes 13-14 ans qu'elle voulait laisser mon père vivre de sa nouvelle passion, mais qu'elle, elle se sentait pas libre de développer ça, qu'elle n'avait même pas l'envie, en fait, et que ça la faisait souffrir. cette prise de distance un peu, on va dire, dans le temps et dans les passe-temps. Et du coup, ça m'a assez fort marquée. Il y a un peu cette idée de pas me lier comme ça à une personne. Et en plus, au lycée, donc du coup, à l'âge où mon entourage, mes amis ont commencé à avoir des petits copains, dont mes deux meilleures amies qui ont un petit copain plus ou moins en même temps, ont commencé à... Enfin, du jour au lendemain, on n'a plus eu de relation quasiment parce qu'ils se voyaient tous les week-ends et que du coup, le temps passé avec ses amis, extérieurs était vraiment réduit, quoi. Donc ça m'a aussi fort impacté. Ce moment, moi, je me retrouvais pas dans ce que vivaient mes amis. Je n'avais pas du tout envie. J'avais une grosse bande d'amis et c'était très important pour moi. Et du coup, il y avait un peu ce truc inconscient, je pense, de pas vouloir passer de ça à réduire toutes mes relations à une seule personne. Je trouvais ça impossible qu'elle puisse m'apporter toute la richesse que j'avais à côté avec tous mes autres amis. Tu vois. Ouais, franchement. Ouais. Et du coup, quand j'ai eu quelques amourettes, mais disons que cette première relation avec cet homme qui sortait lui d'une relation très intense et compliquée avec une femme, il voulait quelque chose de plus léger. Ça a commencé par un peu plus... voilà, on s'impose rien, on se dit pas vraiment en couple. Et au final, avec le temps, les sentiments sont arrivés, mais on est resté dans ce truc de plus ou moins zéro engagement, quoi. Au départ, c'était plus ça en fait. On se laisse libre de faire ce qu'on veut, mais surtout on s'impose rien. On compte pas vraiment l'un sur l'autre, quoi. Ouais. Donc, ouais, comme je disais, ce qui m'a poussée à rentrer dans ce genre de relation, c'était vraiment de garder mon indépendance en fait. Mais parce que je sentais aussi, du fait de l'environnement dans lequel j'ai grandi et aussi de tous les autres modèles, hein, pas que mes parents que je voyais autour de moi, et me connaissant aussi, j'avais peur en fait de tomber dans un. Dans un modèle un petit peu... Que ta mère est en train de vivre. Et du coup, je pense pas que j'étais tellement indépendante de base, mais je tenais à mettre des limites dans cette relation pour pas tomber dans ce que je voyais, c'est ce côté, on va dire, alors que bon, maintenant, j'ai l'esprit un peu plus nuancé, c'est moins extrême dans ma tête, mais en tout cas, à l'époque, c'était ça. Et je voyais vraiment ma vie à la fac, ma vie avec mes amis, et ma vie avec... un amour et d'essayer de partager. Enfin, c'était vraiment en termes de temps de partager pour que tout soit équitable. Et du coup, à la base, je pensais pas vraiment à la relation ouverte pour rencontrer d'autres personnes. C'était plus pour me laisser cette liberté-là, quoi. Et au final, avec le temps, voilà, notre relation s'est développée. On se faisait confiance. On était toujours dans ce truc de zéro engagement. Et l'un comme l'autre, on avait envie d'expériences extérieures. Moi, c'était un peu mon premier amour, mais j'ai jamais eu ce truc de je veux faire ma vie avec lui, j'ai que lui dans ma tête. Voilà, j'ai toujours eu conscience de ce qu'on s'apportait l'un l'autre, dans ce quoi on se faisait avancer, aussi des côtés moins sains de notre relation. Et disons, j'étais ouverte au moment de rencontrer d'autres personnes avec qui avancer, échanger, partager des choses sur tout à fait d'autres points que ce que je partageais avec lui. Donc voilà. Et c'est pas venu tout de suite. Mais on va dire, au bout de 2 ans et demi, on a commencé chacun à rencontrer des personnes sur le côté. Et du coup, on avait établi déjà 2 règles à la base. On s'est un peu lancé comme ça, sans vraiment avoir de peur. En tout cas, je m'en souviens pas. Mais c'était plus... Déjà, on se raconte tout. Ce qui se passe, qui on rencontre. La transparence. La transparence, ouais. À fond. Et c'était aussi... la 2e règle, c'était pas les amis. Voilà, c'était les deux règles qu'il y avait. Et après, avec le temps, moi, j'ai mis plus longtemps que ce copain à l'époque pour rencontrer des gens. C'était beaucoup plus simple pour moi de se dire que on avait cette liberté, que lui on avait de son côté et moi aussi. Mais disons que moi, j'ai mis plus longtemps à vraiment m'autoriser, on va dire, à aller voir d'autres gens. C'est à partir plus du moment où lui l'a fait, où je me suis dit « Ok, c'est un peu bête, hein, mais c'était plus dur pour moi dans ce sens-là. » C'était plus simple pour moi de laisser lui avoir d'abord ses expériences, ou en tout cas de laisser avoir ses expériences, que moi m'autoriser à faire ça. J'ai mis un peu de temps. Et puis je pense aussi que ça dépend de ton caractère. Si t'es quelqu'un de beaucoup plus qui met beaucoup plus de temps à t'ouvrir aux gens. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est ce que je te disais. Ouais. On se disait ça ce matin. Je suis quelqu'un qui met du temps à m'ouvrir aux gens. Par exemple, je suis pas du tout. On a un peu souvent ce cliché dans les relations ouvertes que des gens qui sont là-dedans Ça se fait comme ça, ont beaucoup de plans d'un soir ou quoi, alors que moi c'est pas du tout mon truc à la base. Moi j'aime bien prendre le temps de rencontrer des gens, qu'il y ait un lien qui se crée, et ensuite pourquoi pas partager des choses plus intimes avec eux, mais c'est pas ce qui m'intéresse à la base, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que c'est un des préjugés qu'on a sur les gens qui ouvrent leur couple à quelque chose de moins traditionnel, moins attendu, c'est qu'ils ont des capacités où ils sont prédisposés à faire ça, ouais. Dans leur caractère, dans leur relation sociale, ils ont déjà ils ont de l'influence autour d'eux, alors que si j'ai bien compris, toi t'étais un peu la seule à penser comme ça autour de toi. Oui. Et en plus, t'as un caractère où t'as besoin de temps. Et donc, ça va pas se passer genre, oh, je vais rencontrer des gens et pouf, il va y avoir des relations intimes. C'est très intéressant. Parce que même moi qui suis dans une relation où je souhaite qu'elle soit beaucoup plus ouverte, j'ai ce préjugé en tête. Ouais, oui, c'est même pas forcément des. Moi, en tout cas, quand j'ai commencé à en parler à mon entourage, notamment ma mère. Parce qu'il y avait toujours ce truc de, voilà, par rapport à elle, il y avait un peu un truc de... Ouais, un peu extrême de ma part de vouloir un peu la faire chambouler dans ce qu'elle connaît pour peut-être qu'elle évolue aussi de son côté sur prendre son indépendance, en tout cas pour se donner le temps de faire des choses et tout ça, mais pas forcément du tout aller voir d'autres hommes, mais je sais pas pourquoi moi ça passait par ça, et je voyais que dans sa tête directement c'était ma fille aime le sexe, quoi, typiquement, genre, alors que je crois qu'elle a jamais cerné que c'était pas du tout ça mes attentions premières dans le fait d'ouvrir mon couple. Ma mère a eu la même réflexion quand j'ai commencé à lui parler de ce genre de choses, elle s'est dit, bah, elle couche avec tout le monde. Ouais, c'est ça. Quand je l'ai appris plusieurs années plus tard, ça m'a un peu choquée, parce que du coup, je fais depuis toutes ces années, tu me regardes avec ces yeux-là en mode, ouais. Ma fille est une folle du cul. C'est ça. Alors que... Bon, en vrai, c'est pas du... C'est choquant, et en même temps, c'est assez ridicule comme situation. Oui. Parce qu'elle aurait pu poser la question, en vrai. Ouais. Ouais. Où j'en étais ? Oh oui, les deux règles. Comment ça s'est passé ensuite ? On a chacun eu... Oui. Donc ouais, en fait, ça a été quand même un gros chamboulement dans notre relation. Je me souviens, la première fois que du coup, ce gars avait eu une relation, on va dire, un peu plus... C'était rarement des plans d'assort chacun de notre côté. On a tous les deux vécu des liens et des histoires de plusieurs semaines, plusieurs mois avec d'autres personnes. Et la première fois, ça a été quand même un chamboulement. Je me souviens, on s'est dit à un moment donné... faut qu'on se ressente sur nous. Donc en tout cas, au début, on avait ce truc de... La personne rentre un peu dans notre intimité à tous les trois, et ça arrivait qu'on se dise là c'est trop dur à gérer émotionnellement, donc on se reconcentre sur nous deux avant de se refocaliser sur d'autres gens. Donc ça m'a beaucoup aidé au départ, parce que c'est pas parce que t'as envie de t'ouvrir à d'autres personnes que t'as pas des sentiments conflictuels ou contradictoires avec tes envies. Ouais, c'est ça. Moi j'ai jamais été quelqu'un de très jalouse, mais c'est aussi en fait une façon de se découvrir, hein. En commençant à expérimenter ça, j'ai découvert des sentiments plutôt d'insécurité, ouais. Qui en général passaient assez bien en communiquant et en parlant avec l'autre de ce qu'il ressentait et tout, ouais. Ça. Et on est assez vite venu à se dire que, ok, transparence c'était bien, mais puis finalement ce serait plus simple à gérer ce fait de voir d'autres personnes en rencontrant la personne, parce qu'on a tendance à glorifier, à peut-être... surfantasmer la personne à côté, on avait tendance à se dire, ah, c'est peut-être potentiellement un danger, parce que... Ouais. Parce que ça reste dans notre imagination. Ouais. Et ouais. Le fait de la rencontrer, de voir que c'est une personne normale, qui a ses défauts, ses qualités... Moi, si j'ai bien compris, vous rencontriez sans votre partenaire, l'autre partenaire... Ça, c'est un truc qui est venu après. Ah, en fait, au départ, on a comment... La première fois, du coup, cette femme là, avec qui il a commencé à relationner, c'était une Américaine. Et moi, je l'ai rencontrée la veille, en fait, où elle repartait en Amérique. Et ça a été un moment hyper intense. Je m'en souviens encore très très bien, parce que, en fait, c'était le soir de leurs adieux. Moi, à ce moment-là, j'étais en Erasmus en Italie. J'étais venue voir mon compagnon pour 2-3 jours. Et ça tombait le même week-end où cette femme qui habitait dans la même ville que lui repartait en Amérique pour plus ou moins du très long terme, quoi. Et donc, on s'était quand même dit qu'il fallait qu'on se rencontre et tout ça, mais on l'a fait, je me souviens, au bord d'une rivière, on a bu un coup, et c'était assez horrible au final, parce que je voyais les échanges de regards, je voyais la tension qu'il y avait peut-être entre nous trois, et même si c'était chouette de découvrir cette personne, moi, ça m'a mis dans un sentiment hyper fort d'insécurité, pour le coup. Bah, en vrai, tu tenais la chandelle, alors que tu fais quand même partie, donc de nouveau, on parle d'un échange de statut... Et de relations, non, dans le couple. Ouais, je tenais pas vraiment la chandelle, mais en tout cas, c'était pas à plat, quoi, le truc. D'accord. Et du coup, après cet épisode, on s'est dit, bon, c'est pas la meilleure manière de faire pour justement se sentir en sécurité dans le couple. Du coup, ce qu'on faisait, c'était que quand on rencontrait quelqu'un, moi j'en parlais assez rapidement, avant même peut-être qu'il se passe quoi que ce soit, et si le lien se poursuivait un petit peu, bah là on... Par exemple, je laissais mon compagnon rencontrer cette nouvelle personne, ils allaient boire un coup ensemble, ils échangeaient une heure, et après ils se revoyaient pas forcément, mais au moins... il n'y avait pas cet imaginaire qui se construisait autour de cette personne par la suite, quoi. Ah oui. Et ça, c'était... Enfin, c'est ce qu'on a maintenu ensuite par... ce qu'on a maintenu par la suite de chaque côté, c'était ce qui allait être plus sain, quoi. Et je tiens à dire aussi, quand on parle de relation ouverte, là, actuellement, je suis dans une relation exclusive, que un autre cliché qu'on a, c'est un peu des personnes... j'ai pas plus ou moins... Et ouais, mais qui ont un certain profil et oui. qu'ils sont pas capables de vivre autrement. Enfin, je sais pas, il y a, comment dire, un peu des gens à part, alors que pour moi, c'est un mode de vie qui dépend des gens que tu rencontres. Et je suis plus... Enfin, encore maintenant, je suis pas du tout fermée à vivre ce genre de relation, mais je vois très bien ce qui apporte la relation exclusive. Je vais pas mentir sur le fait qu'une des relations ouvertes, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de communication, et ça t'apprend beaucoup sur toi. Moi, j'ai passé beaucoup d'énergie là-dedans. Mais au final, le revers de la médaille, c'était que... Bon, je pense que ça dépend avec des gens avec qui tu le fais. Nous, avec le garçon en l'occurrence, dès le départ, on s'était dit très indépendant et de pas compter... Enfin, de... C'est pas que je pouvais pas compter sur lui, mais... Okay. C'est pas non plus un truc qui s'est construit très solide, quoi. Je pense que c'est possible, hein, vraiment. Mais en tout cas, c'était pas le cas. Et là, je vois maintenant le fait de... Avec... l'homme avec qui je suis actuellement, c'est quand même un autre aspect de la relation. De la relation qui est aussi très très important, je trouve. Mais ça veut dire découvrir. Quoi avec ton ancien compagnon, si tu l'appelais, j'ai besoin de toi, est-ce qu'il était présent? Oui, il était présent. Oui, donc, émotionnellement, il était présent. Mais qu'est-ce que tu attendais de la relation, les bases que tu obtenais de lui, par exemple? Il était là quand t'en avais besoin. T'avais besoin de compagnie, est-ce que il te disait ben non, j'ai un autre rendez-vous? Ouais, non, typiquement, ouais, clairement, ça, Bon, c'est aussi des discussions qu'on a eues, parce qu'à un moment donné, ce gars était avec plusieurs autres femmes, donc il y avait cette question aussi qui revient parfois dans la relation ouverte de horizontalité au niveau des sentiments, ou est-ce qu'on fait, comment dire, c'est pas un classement, c'est nul comme terme de dire ça en amour, mais en tout cas des priorités dans les gens avec qui tu relationnes. Ok. À un moment donné, on a été vraiment hyper extrême. On disait, voilà, on est tous les autres. Enfin, il n'y a pas de hiérarchie chez qui je mets plus de temps et d'énergie. Ouais, c'est ça. D'attention. C'est possible ça? Parce qu'on a quand même une semaine. Imaginons sur une semaine, tu as le week-end et les soirées. Le reste du temps, normalement, tu es occupé à travailler. Comment vous faisiez pour diviser votre temps? Surtout que toi, si j'ai bien compris, tu avais moins de relations de temps. Moins multiples en tout cas. Ouais. Moins diverses. Et donc, comment ça se passait dans ce cas-là? Bah là, c'était facile parce qu'en fait, on était en relation à distance. Du coup, je trouve que quand tu es à distance. C'est beaucoup plus simple de mettre en place ce genre de relation, parce qu'en général, on prévient l'autre, on se prévoit ensemble en tout cas au moins une semaine ou deux à l'avance de quand est-ce qu'on va se voir, sur combien de jours. Mm-hmm. Donc c'est facile de caler les autres, entre guillemets, d'accord. de faire en sorte que le planning soit plus ou moins équilibré. Ça, le temps, c'est certain. Moi, c'était plus au niveau, je veux dire... moi, j'ai jamais eu ce truc d'horizontalité. Enfin, en tout cas, moi, si je devais m'imaginer la relation avec ma personnalité, ce serait d'avoir... un partenaire, on va dire, avec qui tu t'imagines peut-être construire quelque chose sur quelques plusieurs années, potentiellement plusieurs dizaines d'années. Donc on va dire une espèce de... quelqu'un avec qui tu formes une équipe, centrale. Plutôt, une relation centrale. Un coéquipier de vie, ouais, on c'est va dire ça. Ça comme ça. Et à côté, vivre des passions, vivre d'autres histoires, on va dire, avec d'autres gens pour lesquels tu t'impliques moins, on va dire, au niveau de ta présence émotionnelle, enfin, okay. D'être là pour l'autre, je sais pas comment expliquer... C'est un peu le même schéma qu'un couple normal avec des amis à côté, sauf que là, il y a des relations intimes. Il peut y avoir des relations intimes. Ouais, c'est un peu comme ça que moi je l'imagine. C'est un peu ça. C'est ça. Après, avant de découvrir ça, sûrement, on est passé par plusieurs niveaux d'intensité, plusieurs niveaux de relations et tout ça. Je pense que le gars avec qui j'étais, il était capable d'avoir des relations beaucoup plus intenses et de se donner pour plus de personnes. Je pense que ça dépend vraiment de la personnalité des gens, mais... Mais ça, on l'a découvert à peu près, enfin, un peu au fur et à mesure, quoi. Et au final, on est resté sur ce truc-là où on avait plutôt une relation principale avec lui, et à côté, je partageais des relations avec des gens avec qui je savais que j'allais pas m'impliquer sur plus que quelques mois. Et voilà. Ok. Mais en tout cas, ouais, je me suis jamais sentie... Enfin, en tout cas, dans notre... c'était un petit peu sous-entendu que... Imaginons, il passait une semaine avec quelqu'un, j'allais pas... Et si moi, j'avais un problème à ce moment-là, c'est jamais vraiment arrivé, mais okay. Je me sentais pas non plus dans ce truc de... Je l'appelle. Je suis la priorité absolue tout d'accord. le temps, tu vois. Donc même si on restait en relation principale, il y avait pas ce socle, on va dire, de... De fusion. En fait, on n'était pas fusionnel spécifiquement. Ouais. Genre, donc... par exemple, moi, le souci que j'ai avec mon compagnon actuel, c'est que même si on est ouvert à l'idée, ça ne s'est jamais produit. C'est produit une fois ou deux, mais ça n'a jamais développé... Je me suis jamais permise de développer une relation plus intime parce que il y a une fusion malgré nous qui fait que je m'attends à ce que s'il est avec quelqu'un d'autre, il décroche quand même. Un peu comme si tu t'attendrais à ce que ton meilleur ami de toujours le fasse. Et je trouve que c'est beaucoup de poids émotionnel à mettre sur les épaules de l'autre, en fait. Presque ingérable, en fait, quand tu as plusieurs relations intimes. En vrai, quand tu vas voir ton meilleur ami ou ta meilleure amie, c'est le moment que tu passes avec ton meilleur ami ou ta meilleure amie. Et avant de partir, tu fais, t'as plus besoin de rien, c'est bon, je peux y aller. Et là, c'est presque impossible. Donc, c'est très impressionnant que ce soit si naturel dans votre couple comme ça. Tu veux dire entre toi et... Du coup, ce que tu me racontes, ouais. Que ce soit aussi naturel, que ça avait l'air normal. Mais c'était aussi quelque part... Enfin, j'apprécie hein, vraiment beaucoup, moi, dans ma relation actuelle, de pouvoir me dire... Je peux compter sur lui à tout moment, quoi. Et je pense que c'est ça... C'est aussi la raison pour laquelle la majorité des couples actuels, c'est ça. C'est quand même... C'est une sécurité, en vrai. C'est la sécurité, quoi. Voilà. En fait, c'est ça. C'est vraiment le terme que je cherchais. J'étais pas totalement en sécurité avec l'autre. Mais c'était un choix voulu, hein, j'en avais conscience, mais c'était toujours dans ce truc de cultiver son indépendance, je mélangeais un peu tout en fait. Donc. Et maintenant, avec toute l'expérience que tu as, tu es dans une relation exclusive, ouais. Avec quand même un peu d'ouverture d'esprit sur la personne que tu es, donc en comprenant ton passé, ouais. De personne qui a une autre vision du couple, si tu devais, donc actuellement, peut-être que ça va changer plus tard, si tu devais construire un modèle de relation qui te permettrait, toi, de composer avec ce que tu sais maintenant de l'exclusivité et du non-exclusif, est-ce que tu peux le résumer en deux, trois phrases? Bah, je pense que ce serait ce que je te disais juste avant. Ce serait vraiment d'avoir... Ah oui, un coéquipier, c'est ça, c'est que j'en suis venue. La relation centrale. Ouais, ce que je t'expliquais, c'est en découvrant aussi que cette personne actuelle, ouais. Parce que ce sentiment de sécurité, je l'avais pas entièrement avant ces deux dernières années-là. Donc, après réflexion, je pense que ce qui me correspondrait le mieux, ouais, ce serait de continuer avec lui. Parce que, contrairement à la personne d'avant, ce qui fait que ça n'a pas marché, c'est qu'on a, au bout d'un moment, on a arrêté la relation à distance, on a habité ensemble, même si on avait passé énormément de temps avant. J'ai bien vu que construire quelque chose à deux, on n'était pas compatibles là-dessus, quoi. Donc on s'apportait énormément, mais il n'y avait pas ce sentiment un peu d'équipe. Genre, c'est peut-être bizarre de se dire comme ça, de d'accord. coéquipier, quoi. Uh-huh. Que j'ai plutôt avec celui actuellement. Mais pour autant, j'en discute souvent avec lui, on est en relation exclusive, mais je ne lui ai jamais caché comment je m'étais construite avant. Il est hyper ouvert et compréhensif là-dessus. On en parle souvent sans aucune... Sans aucun tabou, voilà, je me sens vraiment libre de tout lui dire. Ça, j'aime bien ça avec lui aussi. Mais idéalement, ouais, j'aimerais une relation avec lui et de temps en temps développer d'autres choses avec des gens. Comme je disais pas avant, pas forcément dans une intimité, une sexualité très très présente, mais en tout cas, pas se devoir se dire est-ce que ça blesse l'autre. Pour l'instant, ce serait pas possible parce que j'aurais trop peur de le blesser. Et en plus, comme je disais, pour moi, il y a différentes manières de vivre. Donc ça, c'est peut-être un idéal que j'ai encore pas testé. Je sais même pas s'il est atteignable. Mais en tout cas, moi, je suis très heureuse comme je suis actuellement. Je me sens pas frustrée. Hein. C'est juste une autre possibilité qui pourrait exister à côté. Et je pense que j'ai commencé à expliquer ma relation par des côtés de moi où je me cherchais encore. Et ça partait peut-être d'un truc pas très équilibré. Mais je voulais rééquilibrer l'image... Enfin, comment dire... La vision complète de ce que je ressentais à ce moment-là. Et oui, il y avait le côté un peu insécurité, hyper indépendant, tout ça, que je pense plein de gens n'ont pas besoin de ressentir. Mais dans ce que ça m'apportait, je trouve ça intéressant de le préciser, c'était pas juste une envie de découverte de l'autre, un sentiment de liberté, d'indépendance et de... une bonne justification pour équilibrer ma vie, on va dire. C'était aussi le fait que de découvrir que l'amour, c'est pas une jauge qu'on atteint à un moment donné. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que... Attends, je me rends compte que c'est dur de s'exprimer vraiment. Voilà, là, tu vas parler de la définition de l'amour. ton concept même de comment tu te relationnes avec les autres et comment tu les considères dans un sentiment d'amour, ouais, c'est ça? Oui, et aussi de ce que j'ai découvert qu'en fait, en relationnant avec d'autres hommes, c'est pas que... Disons, j'avais pas une quantité d'amour en moi que je dispatchais entre plusieurs personnes et au bout d'un moment, j'étais en mode, non, c'est bon. Okay. Ça m'arrivait souvent quand je relationnais avec un autre homme. Bon, j'étais sur le moment présent avec lui, mais ce qui ressortait de ce week-end passé avec lui, c'était souvent une profusion d'amour, mais qui se répercutait aussi sur mon autre relation avec mon compagnon. J'avais une espèce de... Je saurais pas comment décrire ça, mais le fait de passer un week-end avec une autre personne, ça faisait pas que renforcer mon lien avec cette personne, mais aussi avec l'autre. Avec c'est comme si ça démultipliait ce que je ressentais pour tous les autres. C'était un effet papillon d'amour. Ouais, voilà, c'est bien décrit. Okay. Et ça, c'est vraiment un beau sentiment, quoi, parce que c'était la bonne place, un peu, je sais pas comment expliquer ça. Mais... À la bonne place? Non, est-ce que tu peux préciser qu'est-ce que tu entends par là? Comment dire? Tu vois, des fois, quand tu peux ressentir, si t'es en relation exclusive, de l'attirance pour d'autres gens, des choses qui sentent que tu pourrais blesser d'autres avec ce que tu ressens, tu vois. Tu te sens un peu en malaise avec ton intérieur, et bah là, en finissant ces week-ends, en étant dans ces phases-là où tout le monde était au courant, tout le monde était au clair avec ça, personne n'en souffrait, et bah il y avait ce sentiment aussi d'être un peu à la bonne place, et dans quand le... tu ressentais en plus ce sentiment d'amour pour tout le monde, oh wow. Ça a l'air incroyable! Bah, c'est pas ça tout se le temps. Se sentir hein. À sa place. Mais se sentir, ouais, dans le à moment sa présent. Place. C'est fort que. Il y a assez d'amour pour tout le monde, tu vois. Ça, c'était, c'est vraiment des beaux moments, je trouve. Est-ce qu'on peut le résumer en disant que chaque relation que tu avais, c'était une sorte. Allez. Une dynamique amoureuse différente et que cela n'empiéterait pas spécialement sur les autres relations. Non, ça l'a jamais... Ça l'amplifiait même. Oui, c'est ça. Ça partager quelque chose avec quelqu'un, ça n'a jamais dévalué l'autre. Vraiment. Est-ce qu'on peut partir de ce que tu viens de dire pour avancer une hypothèse assez bold, je n'ai pas le mot en français, mais un peu une relation ne suffit pas spécialement à une personne. Une personne ne peut pas remplir tous les besoins de l'autre. Bah ça, j'en suis persuadée. Hein. Mais dès le départ, c'est pour ça que j'étais dans ce genre de relation, mais que ce soit amical, amoureux, je suis persuadée qu'une personne ne peut pas suffire à une autre seule personne. Après, je le pense encore aujourd'hui, mais comme tu disais, je suis pas frustrée d'être en une exclusivité, parce que pour moi, je partage encore plein de choses avec plein d'amis. Et ben, il y a aussi cette répartition qui se fait, quoi. Donc, d'accord. Des sortes de relations, c'est juste qu'il n'y a pas les relations sexuelles, c'est ça? Oui, c'est des relations amicales. Amicales, classiques. Classiques. Ouais. Mais pour moi, ça, entre une relation amicale classique et une relation amoureuse, à différents degrés d'intimité, que... Enfin, je veux dire, il y a toute une jauge, mais... Ça reste de l'amour. Ça reste... Quand tu passes de l'un à l'autre, la limite, elle est pas forcément hyper claire. Ça dépend de la personne avec qui t'es, bien sûr, mais et de ce que tu partages. Mais y en a plein. J'en ai eu plein de sortes différentes, et il y en a vraiment qui se font fonder entre amitié et amour. Donc voilà. D'accord. Et un dernier point que je voudrais aborder avec toi. Il y a souvent l'inquiétude quand moi j'en parle à des gens qui n'ont jamais pensé à ouvrir leur couple, que ce serait inenvisageable. Ça part du principe, et comment tu sais que l'autre il veut juste pas baiser et qu'il veut juste pas s'en aller voir ailleurs pour aller voir ailleurs, et qu'en fait la relation n'a pas beaucoup, est bancale en réalité, et qu'on s'en rend pas compte juste parce que c'est ouvert. On parlait d'ego. Ah, de quoi, tu veux dire, en fait, le fait d'aller ailleurs, c'est, ce serait comment juste... T'étais sûre et certaine qu'en fait, la relation était vraiment authentique. Et que la personne avec qui tu étais voulait pas juste aller voir ailleurs sexuellement. Et que, en fait, la relation était bancale, mais que tu t'en rendais pas compte à cause de ça. C'est des inquiétudes que moi, j'entends parfois quand j'en parle. Et donc... Ben, je dirais l'honnêteté qu'on avait l'un envers l'autre. Ok. Ben, je sais, peut-être c'est un cliché, je me rends compte là, avec ma relation actuelle, que c'en était un sur le moment. Je pensais que le fait d'être en relation libre et de tout se dire, c'était vraiment notre première règle. Ben, du coup, ça pouvait parfois être dur, mais on se cachait rien sur même ce qui était bancal dans notre couple. Mais du coup, ce qui fait que les autres moments qu'on passait ensemble, qui étaient des moments d'amour ou de partage, ben, ceux-là, j'avais aucun doute sur ces moments-là, quoi, parce que quand ça allait pas bien ou... quand il y a des choses qui n'allaient pas ou qu'elle rencontrait d'autres personnes, et il me le disait tout de suite, donc il y aurait... Enfin, je sais pas si ça répond à ta question, mais pour moi, c'était juste hyper... Tu n'avais pas de doute, en fait, sur ce point-là? Non, j'ai jamais... Non, je sais pas, ça... Tu t'es jamais posé la question? Je crois pas. C'était évident, vu ce que tu ressentais, vu ce que tu vivais avec lui? Non, je crois... Non, je me suis jamais dit que c'était un truc bancal. Enfin, en tout cas, le fait d'aller voir ailleurs, ça justifie un truc qui manquait dans notre couple. Et ça t'aurait dérangé si c'était juste un problème d'ego que lui il avait besoin d'accumuler Je pense qu'il y a toujours un peu d'ego hein, ouais. dans les relations. Bah n'importe lesquelles. C'est même moi, je pense que ouais, ça, même les relations amoureuses, tout ce qu'on partage, enfin même dans des relations amicales en fait, il y a de l'ego un peu partout et peut-être un peu moins en Belgique de ce que j'ai vu. J'ai l'impression. Ouais. C'est peut-être que ça se voit moins et que finalement, on l'esprit moins. Mais en tout cas, je trouve que quand c'est l'ego qui est au centre de ces relations-là, s'il y a un malaise qui s'installe, il y a quelque chose de... Ça gâche le moment. Enfin, je sais pas, moi, souvent, ce qui me guide dans des relations avec des gens, c'est la beauté. La beauté du moment, c'est un peu fleur bleue de dire ça, mais... Des fois où je passe du temps, je dis waouh, ouais, c'est beau, tu vois. Je suis pas spécialement émotionnelle. Trop dans les traits, dans l'émotion. Ou... D'accord, tu n'es pas. Je suis pas une grande romantique, enfin, je sais pas comment dire ça, je suis assez fermée de base, mais il y a vraiment des moments où. Waouh. Tu te sens chanceuse de les vivre, c'est ça? Que tu t'es... Ou alors j'ai l'impression d'être à l'extérieur du moment et de. Un peu comme une œuvre d'art, je suis là, waouh, c'est beau, genre ce qui se passe, le moment, la lumière, enfin je sais pas. T'es peut-être plus romantique. Peut-être que je suis c'est ça. Peut-être qu'au final, je suis juste romantique, j'en sais rien. Mais On m'a parlé d'un concept cette semaine, comme quoi on pouvait avoir des relations amitieuses, romantiques. Affectueuses, amicales, tu veux dire? Amicales, ouais. Romantiques. Donc des amitiés romantiques, donc genre tu ne vois la personne que en allant au resto avec des chandelles ou. Que tu te réserves un moment avec ouais. Du vin, des accouskis, des lumières tamisées, mais en fait, ça reste une amitié. Ouais. C'est peut-être aussi ça, la beauté du moment, que, c'est vrai que le tu bon lui moment... donnes de la valeur, même si c'est pas une relation amoureuse. Ouais. C'est vrai qu'il y a peut-être la définition de romantique à revoir. Pour moi, ça rejoint un autre thème qui est peut-être la misogynie intériorisée un peu. Pour moi, romantique, la c'est... misogynie intériorisée, ouais. Tu fais un lien avec ça, là? Est-ce que tu mais peux... parce que... Wow, pardon, des trucs. Non mais parce que peut-être que je relis le truc à le romantisme à un peu un truc de fignon, tu vois, je sais pas ouais. Comment dire. Alors que moi je suis plutôt attirée par des modèles de femmes hyper combatives, tout ça. Enfin je vois dans ce que je lis, dans ce que j'ai consommé petite en tant que film et tout ça, genre. Et En vrai la romance, si tu regardes l'histoire, ça vient des grandes chansons sur les chevaliers, etc. Ça a commencé là, tu vois, genre le chevalier qui secourt la princesse ou qui combat un dragon, ouais. Ou que sais-je. Ça reste dans le combat, ça reste dans la force, dans la démonstration du sacrifice à l'autre, etc. Moi j'ai grandi avec des conceptions très... très chevaleresque de ma personne et de mes valeurs. Donc peut-être que toi comme moi, on est peut-être plus romantique que les gens qui aiment les chandelles et, ouais. Et les repas ouais, c'est et vrai les lumières tamisées. C'est peut-être juste pas la même conception romantisme. Du romantisme. Ouais. Ouais, c'est vrai. Peut-être que je suis une romantique en vrai. Ouais. En tout cas, ce que je veux dire dans ces moments où j'étais impressionnée par ces moments-là de beauté dont je parlais, là, c'est un peu plus ce que je ressens quand je vois une montagne, un paysage... Et que le moment t'émeut. M'émeut, ouais, c'est ouais. Ça. Et je suis là, waouh, c'est beau, tu vois. Et c'est un peu ce moment-là où j'ai l'impression de sortir de moi-même, sortir du moment et de regarder l'extérieur, de dire genre, waouh, c'est beau, tu vois, ce qui se passe. C'est un peu plus ça, j'ai l'impression que je recherche dans ce genre de relations. Des relations qui soient amicales. Et ça te nourrit. Et ça me nourrit, c'est vraiment, ouais, c'est ça, ça me... C'est ça que, ce que je recherche, c'est pas le côté sexuel ou quoi, c'est vraiment ça me remplit, quoi. Et on peut être rempli de plein de manières différentes. Même si cette phrase peut vraiment être à double sens. Titre... C'est pas ça que je voulais dire. Du moment que moi je t'ai compris. Voilà. Je vais peut-être pas le mettre dans le podcast. Je suis une romantique. Oui, peut-être. Et ben voilà, je te remercie de ce partage. Ouais. Je sais pas si je vais l'utiliser, mais est-ce que t'as eu des lectures ou des œuvres d'art qui t'ont influencé? Ou même des rencontres particulières, des moments... alors, à ce moment-là, tu peux en citer seulement un. Alors, attends, je réfléchis. Des lectures... En fait, je réfléchis souvent parce que j'ai pas l'impression d'avoir une modèle autour de moi qui m'a impactée, à part, du coup, plus par contradiction, comme je disais, avec ma mère ou mes amis. C'est mais il y a forcément des choses qui m'ont influencé plus positivement, tu vois, pour que j'aille là-dedans, mais j'ai pas de souvenirs là, autour de mes 18 ans. J'ai entendu un podcast en venant hier soir, et c'est un gars qui disait qu'il avait construit... Moi, j'appelle ça son féminisme, son anti... enfin, bref, c'est un podcast qui parle de... Il fait il donne des leçons, en fait, aux machistes, en vrai, aux autres hommes. Et le premier podcast qu'il a fait, c'était en l'honneur d'un modèle masculin qu'il a suivi et qu'il a sensibilisé aux relations plus authentiques. Okay. Aux relations moins jugeantes, aux moins... avec moins de pression, etc. Et c'est marrant parce qu'en l'entendant parler avec autant de passion de cet homme qui l'a admiré, qui l'a guidé, qui est mort du coup, parce que du coup il en parlait après sa mort, et ben je me suis vraiment dit, et toi, est-ce que t'as eu un modèle? Ah ben non, j'ai pas eu de modèle. Et donc dans le sens où j'étais, et est-ce que c'est ça, toi aussi je pense que t'as eu ça, avant même savoir ce que c'était le polyamour ou les relations libres, je l'étais déjà dans la mentalité. Et je n'ai pas rencontré des gens qui m'en ont parlé. Et c'est ça qui m'a un peu perturbée, parce que du coup... je sais pas ce que... Je pense que c'est une construction sur vraiment la contradiction, quoi. Clairement, de ce que je vois. Okay. Enfin, c'est vraiment quelque chose à l'opposé... Voilà, construit un truc à l'opposé de ce que j'ai vu. Et du coup, je pense que ça se ressent maintenant, parce qu'effectivement, j'étais beaucoup plus extrême il y a quelques années dans cette relation, en tout cas sur certains points, même si je regrette rien, j'ai apprécié tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vécu. Mais là, pour moi, actuellement, j'en suis pas revenue. J'ai juste évolué dans ce que j'ai vécu, dans ce que je veux, et un peu plus nuancé. Voilà, ce que j'avais... ce sur quoi j'étais partie par rapport à d'autres modèles, quoi. Mais du coup, après, en grandissant, ouais, en rencontrant des gens, et bon, on a discuté, j'ai eu des échanges, et là, je me suis retrouvée en eux, et ça fortifiait ce que je ressentais, et ça m'a donné confiance pour en parler à mon tour à d'autres gens, et à me dire que ce que je ressentais était légitime, et que j'étais pas juste une meuf chelou qui sortait du milieu de la Savoie, tu vois. Mais attends, je réfléchis parce qu'il y a des trucs qui m'ont... En vrai, on n'est pas obligé. Si tu... Bah, je trouve la question intéressante, hein. C'est juste... attends, je réfléchis. Parce que je suis souvent bloquée quand on me pose un truc comme ça, j'ai pas réfléchi à l'avance. Oui, c'est vrai. Moi, peut-être que dans les prochaines interviews, je vais peut-être demander à la personne d'y réfléchir à l'avance. Mmh. Ouais, plus des trucs... Des livres féministes, mais... qui du coup ont consolidé un peu ce truc d'indépendance, qui du coup me motivait à garder une forme de relation indépendante et qui à la base je pensais... Et peut-être plus adapté à toi et moins conforme. Ouais, c'est ça. Okay. Ça m'a plus confortée dans être qui je suis plutôt que dans ma relation polyamoureuse, on va dire. Enfin, de relation ouverte. Ok, donc en fait, ta relation polyamoureuse, c'était simplement la suite logique d'une construction de soi et d'une reconnaissance de qui tu es dans le monde, c'est ça? Vraiment, ouais. Enfin, à la base, pour m'affirmer et rester et me construire. Enfin, on a déjà pas mal évoqué. Je sais pas si c'était. J'ai l'impression d'être partie dans tous les sens et que c'était. Non, pas non, clair, mais moi je trouve que c'était très logique en fonction des questions. Parce que, ok. C'était vraiment pour être plus indépendante. Je pense qu'on peut vraiment passer par plein d'autres chemins que celui que j'ai pris pour. Non, mais c'est un chemin, ça je le préciserai en début. Ok. Parce que, ouais, j'ai l'impression que ce qui ressort, c'était un truc un peu de de recherche de soi et d'un passage de vie, mais d'un ça passage se trouve, de tu vie, vas retourner et par et là on a l'impression que maintenant j'ai fini cette construction, enfin que j'ai avancé et que du coup je me suis dit bon, c'est plus simple d'être en relation exclusive, Mais c'est beaucoup plus nuancé que ça. Ok. C'est pas juste j'ai eu une phase comme plein d'ados et maintenant je reviens dans le droit chemin. Vraiment, je... C'est pas ça. C'est pas ça, non. Genre, c'est juste une possibilité parmi plein d'autres. Et c'est encore en construction. Et d'ailleurs, encore en construction avec la personne avec qui je suis, qui est hyper ouverte là-dessus. Et voilà. Et donc ça va, je pense, évoluer. Et ben merci Fanny. Merci Chani. D'avoir pris le temps de répondre aux questions et de partager cette expérience de vie. Les relations multiples est un sujet inépuisable, je vous l'accorde. Et heureusement, je vous réserve encore quelques épisodes à ce propos. J'espère que vous avez autant apprécié écouter Fanny que moi parler de sa vie relationnelle quelque peu alternative. Avez-vous des questions, des réflexions, des réactions spontanées à l'écoute de ce podcast? Faites-le-moi savoir en envoyant un petit mail à boutabout@proton.me. Avec un M, pas un B, je vous fais des gros bisous et je suis impatiente de monter le prochain podcast et de vous le faire écouter. Oh, et avant d'oublier, je remercie Jotapé, un groupe musical nous venant tout droit du Brésil, qui a accepté avec beaucoup de générosité de nous permettre d'utiliser sa musique. Muito obrigada, Jota. Beiji. Plein de bisous. Diretamente de Osasco para o mundão aí, meu amigo. Porque agora é mundo, né? Confere, produção. Confere. Já.